Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Bonjour. Il est midi ce 20 avril 2024. Et vous préparez à écouter sur les 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslille.com et sur DAB+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Retenons surtout qu'ATTAC est une association d'éducation populaire altermondialiste. On y tient beaucoup. Pour vous servir aujourd'hui, Morgane le billettiste, Didier le nouvelliste, Ludovic Oluc Gramchien et Christian au micro et aux manettes, il fera ce qu'il peut. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Bien entendu, nous poursuivons notre enquête sur la société que nous voulons, avec le gimmick CQNV, ce que nous voulons, et que nous voulons, nous, aujourd'hui, eh bien, c'est l'Europe que nous voulons. J'entends déjà qu'ils disent bah, « c'est mal barré », mais il faut reconnaître que ce n'est pas simple. Enfin, cette émission, on va la faire entre nous, donc pas d'invité. On va essayer de refaire le chemin qui a fait que l'Europe, l'Union européenne, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, jusqu'à ses prochaines élections le 9 juin. Ce que nous en percevons de cette Europe et ce que nous pouvons en dire, le tout en 45 minutes. Et comme on va faire un peu d'histoire, ben on va laisser la parole à Didier, s'il te plaît, Didier. Oui, un peu d'histoire. Donc on a choisi de débuter par un petit historique de cette Europe. Donc qui est, bon, à l'origine, c'était l'Europe de la paix pour éviter, évidemment, le plus jamais ça après 39-45. On avait déjà dit ça après la Première Guerre mondiale. Donc ça a commencé par la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc qui était plutôt une alliance économique, et en 1957 ça a été le traité de Rome, avec donc les six pays à l'initiative, qui étaient donc la France, l'Allemagne, évidemment la Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et l'Italie. Donc bon, les grands, les théoriciens de cette Europe, des gens comme Jean Monnet, comme l'Italien de Gasperi ou le Belge Spaak, avaient théorisé que cette Europe était pour la paix, donc plus jamais la guerre. Mais bon, ça s'est vite tourné vers une alliance purement économique. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Pierre Mendès France, par exemple, critiquait déjà cet embryon d'Union européenne en disant que bon, ça allait être une alliance purement économique et qui ne serait pas spécialement sociale. Donc, est-ce qu'on peut le taxer de visionnaire? C'est aussi... En tout cas, Jean Monnet disait que s'il avait fallu commencer, il aurait commencé par la culture. Mais bon, Jean Monnet était quand même quelqu'un de très inféodé aux Américains et aux intérêts... des États-Unis. Donc on a vu que l'Europe c'était c'était aussi une Europe qui était un peu dictée par des intérêts américains, notamment le plan Marshall, dont va nous parler Christian. Et avant ça, je vais laisser la parole à Morgane pour nous parler de cette fameuse Europe de la défense qui était censée être une Europe autonome et qui finalement a toujours été plus ou moins inféodée aux Américains. Oui, alors bon, on parle d'Europe de la défense, donc une défense qui est au niveau des acteurs européens qui est héritière de à la fois de la guerre froide. Donc la doctrine c'était face à un adversaire type soviétique, donc conflit de forte intensité et qui a perduré jusque dans les années 90. Et après on a plus recentré sur un héritage du 11 septembre, donc où là, la doctrine, c'était face à du terrorisme, donc un conflit asymétrique et l'envoi de corps expéditionnaires à l'étranger. Bon, l'utilisation qui en a été faite, ça reste un petit peu plus, la Libye de Kadhafi s'en souvient très bien, hein, malheureusement pour lui. Bon. Donc, sachant qu'une politique de défense implique une stratégie commune et une vision claire, on peut se poser la question, en fait, comment développer une stratégie commune alors que, En fait, comme l'a dit Didier, on part sur une Europe des intérêts concurrents, une concurrence interne, notamment en termes économiques, en fait. Donc, et ça nécessite de parler d'une seule voix sur des sujets internationaux. Et plus d'une fois, les désaccords entre les partenaires européens se font sentir, en fait. On pense aux propos différents entre le chancelier allemand et le président français. On a aussi les crispations autour des différents propos d'Emmanuel Macron. Alors, si on reprend par rapport au conflit en Ukraine, pendant un moment, Emmanuel Macron parlait de garanties à donner à Vladimir Poutine. Ça a crispé aussi ses partenaires européens et ses alliés. Et là, plus récemment, les propos autour de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Bon, derrière, on a vu très vite que les autres partenaires, le chancelier allemand, y compris les Polonais, disaient qu'ils n'étaient pas non plus trop chauds pour ça. Donc, derrière, on en vient à la question Macron qui se veut chef de guerre européen. Alors, ça peut faire sourire ou ricaner, mais de fait, Emmanuel Macron est à la tête de la première puissance nucléaire au niveau européen, de l'Union européenne. Comme la seule, d'ailleurs. La seule, oui. Comme les Anglais ne sont plus là et que de toute façon, leur clé, ils ont une double clé nucléaire où ils doivent rendre des comptes aux Américains, en fait. Donc non seulement puissance nucléaire, mais aussi la première armée d'Europe. Donc, c'est la voix la plus forte qui rend de fait aussi son silence sur d'autres sujets, notamment Israël-Palestine, d'autant plus coupable, voilà, inexcusable, ou bien ses errements diplomatiques. Il va faire un voyage en Chine, comme il y a des partenariats commerciaux possibles, il est beaucoup plus coulant avec la puissance chinoise, ce qui, encore une fois, au niveau des autres Européens et Occidentaux, fait un peu tache d'encre, en fait. Bon. Donc on a, comme l'a rappelé Didier aussi, une défense européenne largement dépendante des États-Unis. Donc on avait pendant jusque 2013, une forte présence américaine sur le sol européen. Et y compris de 2013, on avait, je pense, c'était 60 000 soldats américains sur le sol européen. Et on a très concrètement des armées européennes qui utilisent encore beaucoup de matériel. Qui utilisent encore beaucoup de matériel européen, donc ce qui pose des soucis en termes d'indépendance. D'accord. Donc, on va parler aussi de... Enfin, Morgane l'a rappelé, l'Europe s'est construite donc, dans un climat de guerre froide. Hein. Mm-hmm. Et le plan Marshall a été important dans cette construction. Donc, Christian, tu peux nous en parler? Oui, alors le plan Marshall, effectivement, c'est un plan d'assistance économique de l'Europe qui n'était pas sans problème parce que la question était de savoir idéologiquement quel... part peuvent jouer les pays communistes, l'URSS en particulier, dans cette histoire, puisqu'il était question d'aider beaucoup l'Allemagne au départ, mais évidemment les alliés se sont dit, nous aussi, quoi, on a le droit aussi un peu à bénéficier de ce plan Marshall. Alors l'idée, effectivement, c'était qu'il y avait aussi, je rappelle que dans certains nombres de pays comme le nôtre, il y avait des communistes au gouvernement, ce qui ne plaisait pas forcément, ce qui n'a jamais plu, de toute façon, même quand c'était Mitterrand. L'Europe a été aidée. Il n'empêche, c'est quand même un plan d'aide massif, quand même. J'ai fait un peu le calcul, là, c'était 13 milliards de dollars en 1947. C'est pas tout à fait pareil qu'aujourd'hui. Et j'ai reporté en francs de l'époque, ça fait 115 milliards de francs. Je rappelle que le dollar était à 500 anciens francs, si je peux dire comme ça, à l'époque. Donc, il est évident que une aide américaine à la seule Allemagne n'était pas acceptable pour les autres Européens. Ça ne pouvait marcher que si on aidait tous les autres. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le discours de Marshall le 7 octobre 1947, me semble-t-il, incluait, y compris, une aide aux Soviétiques qu'ils ont refusée. Voilà, donc le plan Marshall, c'est ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'aide, mais pour des pays qui sont exsangues aussi, hein, quand même, qui ont subi quand même la guerre terriblement. Donc, Il y avait beaucoup à reconstruire et on ne peut pas nier l'importance qu'a joué, qu'ont joué les États-Unis dans le rétablissement économique de notre pays, mais de l'Europe en général. D'accord. Donc après cet historique, on va en venir à la construction de l'Europe, la façon dont elle s'est construite. Bon, d'abord, son élargissement, on ne va pas citer tous les pays qui ont rejoint l'Europe. Enfin, simplement, la grande date, c'est quand même 73 avec le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Le Royaume-Uni qui, comme chacun sait, l'a quitté depuis. Donc la Grèce en 81, l'Espagne et le Portugal en 86, l'Autriche, Finlande, Suède en 95. Et en 2004, ça a été l'adhésion de tous les pays de l'Est, hein, ex-rideau de fer, donc République tchèque, Slovaquie, les pays baltes, la Slovénie, la Hongrie, et aussi Chypre et Malte, et bien sûr la Pologne. 2007, ça a été les derniers, la Roumanie et la Bulgarie. Et en 2013, plus récemment, la Croatie. Et en attendant, il y a d'autres pays qui frappent à la porte. Peut-être pas l'Ukraine, mais en tout cas d'autres pays qui étaient sous la coupe de l'Union soviétique, qui sont comme la Serbie, par exemple, qui attendent de rentrer dans l'Union européenne. Donc c'est une union qui va bientôt, comprendre tout le continent. Donc, bon, il y a la question des institutions qui se posent avec leur lot de technocratie et de bureaucratie, et aussi la Constitution européenne qui a été largement critiquée. Donc, Christian, tu peux nous parler des institutions et de cette Constitution, justement. Ben, je vais essayer, mais je ne voudrais pas accabler nos auditeurs de techniques et de choses comme ça sur les institutions qui ne sont pas d'une simplicité folle. En tout cas, on peut toujours noter que la construction européenne n'a pas été critiquée au départ pour une caractéristique antidémocratique au moment de la formation. Pas du tout. On a estimé que le Parlement européen, qui vient le plus tard, lui, avait sa légitimité juridique ou constitutionnelle définie au regard des principes théoriques démocratiques habituels. Donc, il n'y a pas de problème de légitimité politique. Alors, mais depuis son instauration en 1979, je parle du Parlement européen, la désignation des eurodéputés au suffrage universel enregistre de toute façon une baisse chronique de la participation dans les pays fondateurs. Et on ne se déplace que médiocrement pour voter, y compris dans les nouveaux États membres d'ailleurs. C'est assez significatif. J'avais vu, c'était effrayant, le vote de la Slovénie, la dernière fois, c'était vraiment calamiteux. Alors, le problème, alors là, tu parles de démocratie, de technocratie, j'aime bien cette phrase, j'ai repéré une phrase en lisant le truc, en préparant l'émission, là, d'un certain Reif, je ne connais pas du tout. Alors, il dit cette chose qui me semble intéressante. Les personnes qui voient le marché unique européen avec crainte ont des connaissances et des informations objectives sur la communauté européenne inférieure à la moyenne. C'est à peine si elles différencient ces personnes, le marché unique du traité de Maastricht ou de la communauté européenne et maintenant de l'Union européenne. Bref, vous êtes tous des cons, en gros. Vous ne comprenez pas du tout ce qu'on essaie de vous faire dire et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de gueuler contre l'Europe. Donc, il n'empêche que ce qui est marquant avec cette Europe, c'est son déficit démocratique institutionnel. Alors, voyons un peu les commissions, puisque tu me le demandes, Didier. La Commission européenne. Bon, la Commission européenne, c'est la toute-puissante institution de l'Europe. Elle a des pouvoirs considérables, législatif et exécutif. On va le voir un peu après, l'exécutif. Donc, elle représente aussi l'Europe au niveau international, hein, je précise. Et du commerce international, c'est justement là où le bât blesse très souvent. Et donc, on lui reproche à cette Commission européenne, très souvent, en tout cas en France, nous, on le sait, on le dit régulièrement, de court-circuiter les décisions qui peuvent être nationales. Alors, quelles sont les limites de la Commission européenne ? Alors, la Commission européenne, je rappelle, hein, c'est une présidente, Ursula von der Leyen, 28 commissaires. Là, c'est rigolo parce qu'il y a autant de commissaires qu'avec l'Angleterre. Donc là, on n'a pas voulu supprimer un poste. S'il y en a trois qui se barrent, on sera 24, il y aura quand même 28 commissaires, à mon avis. Mais enfin, bref. Donc, quelles sont ses limites? Ben, quand même, la Commission ne peut pas adopter une loi toute seule. Il faut l'approbation des députés du Parlement européen et des représentants du gouvernement des États membres. Alors, les représentants des gouvernements des États membres, comprenez que ils sont constitués en Conseil de l'Union européenne. Alors, qui sont-ils? Eh bien, il y a plusieurs commissions, pêche, industrie, etc. Et surtout finances, je vais en dire un mot, ce sont les ministres des finances, c'est pas les représentants, c'est pas l'exécutif des pays. Oui, de la finance, parce que là, évidemment, ça nous aurait tous resté en travers de la gorge. Je rappelle le discours qu'avait fait à propos de son pays. C'était pas un discours, d'ailleurs, un entretien dans cette commission finance des ministres des finances, Varoufakis. À la fin de son exposé, il s'est adressé au président, j'ai oublié le nom, le président de la commission ce jour-là. Il lui dit vous allez enregistrer, vous allez en faire paraître ce que je viens de dire aujourd'hui. Et le type lui répond, excusez-moi du peu, c'est une réunion informelle, il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a pas de rapport. Il se tourne vers Varoufakis, c'est dans son bouquin, hein. Il se tourne vers Varoufakis vers Sapin. Michel Sapin. Et qui lui dit, tu sais, la France n'est plus ce qu'elle était. Voilà. Dramatique. Pas de l'anecdote. Dramatique. Bon. Donc, je reviens sur ce que je disais. C'est les accords commerciaux. On en reparlera peut-être un peu plus tard sur les accords commerciaux qui sont à la main, effectivement, de cette fameuse Commission européenne. La Commission européenne aussi joue un autre rôle, mais j'y reviendrai peut-être, non, je suis obligé de venir maintenant, l'application du traité constitutionnel, évidemment, et vérifie que tout le monde est bien au point sur les fameux critères dits de Maastricht, c'est-à-dire les 3% de déficit public et les 60% de dette publique. Qui ont été complètement pulvérisés lors de la crise Covid, bien sûr, et même avant, avec la crise 2007-2008, la crise financière de 2007-2008. Donc, il s'agissait de faire passer le traité constitutionnel. On se souvient de l'histoire. Le traité constitutionnel est refusé en France. On dira peut-être un mot tout à l'heure. Ça a été transformé, c'est ça qui m'intéresse, ça a été transformé donc en TFUE, traité sur le fonctionnement de la communauté de l'Union européenne. Avec deux points essentiels, c'est le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui vise à contraindre les États membres de l'Union européenne et prioritairement ceux de la zone euro à financer leurs dépenses par leurs recettes et donc à limiter le recours à l'emprunt. On y reviendra peut-être parce que c'est un truc très important. On appelle ça le pacte budgétaire européen. Il est signé le 2 mars 2012, par les 25 membres, avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Ça veut dire, c'est fort important cette affaire-là, ça veut dire que on passe le budget national, le budget français, passe d'abord par l'Europe, avant d'être présenté aux députés européens. C'est le fameux six-pack, c'est le semestre européen. Voilà. Est-ce que j'ai dit ce que je devais dire, Didier ? Bah, tout à fait, oui. Ah non, un mot quand même sur le Parlement européen. Le Parlement, oui. Il est créé en 1957, donc dans des conditions démocratiques tout à fait normales, pour 450 millions d'Européens. Il y a 705 députés au lieu aujourd'hui. Il y en aura 720 pour le mandat 2024-2029. C'est en 79, effectivement, que le premier suffrage universel a fonctionné. Le Parlement joue toujours un rôle consultatif, ça n'empêche pas de proposer des choses. Je ne le dirai pas, mais Manon Aubry a fait en sorte que le Parlement européen se prononce pour un cessez-le-feu à Gaza. Et puis j'ai encore un mot à dire sur le Conseil de l'Union européenne. Ça, c'est le, par rapport au Conseil de tout à l'heure dont j'ai parlé. Le Conseil de l'Union européenne, c'est le Conseil là avec les chefs d'État et les chefs de gouvernement. D'accord. On va parler donc après des élections européennes. En attendant, on va parler un peu de la gauche et de l'Europe, et notamment de, enfin, les principales dates. Donc, il y a les, Christian l'a rappelé, les élections du Parlement européen à partir de 79. Il y a aussi 86 qui est l'acte unique européen. Hein, donc, en gros, la matérialisation de l'Europe des capitaux. Et il y a évidemment 1992 qui est la date du fameux traité de Maastricht, hein, dont Christian nous a parlé. On va parler un peu de la gauche et de l'Europe. Donc, attaque a été extrêmement fort dans la contestation du traité du TCE, hein, du traité constitutionnel européen. On se souvient que dans les années, ça a commencé même en 2003-2004, il y a eu des réunions publiques. Les gens d'attaque ont vraiment fait de l'éducation populaire en décortiquant le traité alinéa par alinéa, ligne par ligne. Il y a eu des spécialistes, enfin des gens qui se sont qui ont parcouru la France dans des débats, justement, des gens comme Yves Salès, comme il y avait Claude Desbon à l'époque, il y avait François Delapierre, il y en avait des tas d'autres, Pierre Calfa, Raoul-Marc Génard. C'était aussi l'époque où des traités entre l'Union européenne et d'autres puissances, hein, c'était par exemple le TAFTA qui a été aussi une date importante dans les mobilisations d'attaque, et aussi ce qui se plus au niveau européen, c'était la GCS, le fameux accord général commercial sur les services, donc qui était une véritable machine de guerre contre les services publics. Donc attaque a été, on peut le dire, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais a été en première ligne dans tous ces combats. Et finalement, bon, on sait ce qu'il en est advenu. En mai 2005, le traité a été battu largement. Ça a été la même chose au Luxembourg et aux Pays-Bas. Déjà, les Danois s'étaient prononcés contre les traités européens, mais bon, par M. Sarkozy en 2008, nous a fait rentrer par la fenêtre ce qu'on avait rejeté par la porte, et ça a été le traité de Lisbonne, et finalement un traité à l'identique, soi-disant simplifié, mais qui était exactement la même chose. Donc ça a été, en un certain sens, une défaite du mouvement altermondialiste, mais il y a quand même la belle victoire, celle de 2005. Et depuis, bon, les forces de gauche ont été plutôt vent debout contre cette Europe, bon, même s'il y a une partie de la gauche, disons social-démocrate, qui est peut-être plus encline à considérer que l'Europe est une bonne chose, mais bon, il y a quand même une critique à gauche qui est devenue prépondérante, avec notamment des partis comme la France Insoumise, mais aussi le Parti communiste et aussi les Verts, qui étaient quand même plutôt favorable à l'Europe, qui sont devenus plutôt critiques. On parle notamment du Green New Deal. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un mot, Ludovic. Oui, alors effectivement, le Green New Deal, enfin le pacte vert, effectivement, a pris un peu de plomb dans l'aile, notamment avec la montée de la droite et d'extrême droite et le fait que la droite s'est radicalisée, que l'extrême droite en a fait un peu son fonds de commerce en fustigeant ce qu'elle appelle l'écologie punitive. Vous rajoutez à ça la contestation agricole, donc ça a pesé sur les ambitions mises en avant par la Commission européenne et par le Parlement. Et donc du coup, on a eu des reculs, effectivement, qui ont été relativement notables sur la question la loi, par exemple, sur la préservation de la nature, qui a été vidée de sa substance. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de renoncements, et on verra évidemment ce que donnera le scrutin, mais on peut penser que si la droite et l'extrême droite sont, notamment si l'extrême droite fait un score assez élevé, je pense que ça va sans doute effectivement pesé sur, des, sur, bah, sur, sur les ambitions qui avaient été affichées par, par ce pacte vert. Voilà, on verra ce qu'il en sera. Sans parler des OGM et de toutes les réglementations qui sont quand même... Sur les pesticides, effectivement, voilà, il y a eu également des renoncements, effectivement. Oui, bah, je peux dire un mot supplémentaire sur cette question-là, parce que le Green New Deal, moi, je trouve qu'il marque un peu l'époque de la part de l'Europe et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, puisque ça, en 2019, le Green New Deal, l'objectif, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. Ouais, et donc, en 2021, on a rajouté une louche. Avec l'Union européenne s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Hein. C'est le Fit 55. Pour ce faire, on met du pognon dedans. C'est ça qui me semble intéressant. Il y a 1800 milliards d'euros d'investissement de plan de relance qui comprend donc le plan, le budget septennal de l'Europe et le Next Generation EU, désolé, ça n'a pas été traduit celui-là, c'est pas comme le pacte vert, ça fait 1800 milliards, ça fait beaucoup, beaucoup de sous. Et il est à noter, je précise ça, c'est quand même fort important, Macron s'est battu là-dessus, c'est pas une critique, au contraire. Ce qui est nouveau, c'est que ce sera financé par des emprunts européens et de la subvention à hauteur de 750 milliards, si vous vous souvenez l'histoire de l'époque. Et donc, moi j'estime, je termine sur cette question-là, j'estime qu'il se passe quelque chose en Europe aujourd'hui. Je dis que l'Europe n'est pas tout à fait la même, mais pas tout à fait une autre non plus. J'ai l'impression que l'Europe est en train de se doter d'une politique industrielle, très, très modestement, à l'instar d'une politique agricole. Voilà. Il n'y a pas de politique industrielle, il pourrait y en avoir. C'est une hypothèse que je me permets de faire. D'accord. À Radio Campus. Mais d'un point de vue écologique, c'est quand même le technosolutionnisme qui domine. Absolument. Et en gros, c'est ce qu'on a appelé l'écologie de marché, quoi. On va laisser la parole à Ludovic, qui va nous parler des prochaines élections européennes, donc qui ont lieu, en tout cas pour l'électorat français, le 9 juin. Est-ce que tu peux nous parler des forces existantes, du rapport actuel au niveau du Parlement européen et des forces en présence en France pour cette élection? Il vous aura pas échappé qu'en France, effectivement, il y a Jordan Bardella qui fanfaronne au vu des sondages plutôt flatteurs, donc, qui est en premier devant Valérie Ayer, donc, qui est la tête de liste Renaissance, talonnée par un certain Glucksmann. Et en quatrième avec LFI. Et Politis avait d'ailleurs cette semaine a publié un article sur les gauches en Union européenne. Le titre de l'article, c'est La gauche en France, deux salles, deux ambiances. Faisant référence évidemment au clivage qu'il peut y avoir entre la France insoumise, portée par la tête de liste de Manon Aubry, et les socialistes avec Raphaël Glucksmann. Et effectivement, il y a eu. Apparemment, pas mal de noms d'oiseaux, effectivement, de propos de part et d'autre qui ont été émis par chacun des camps. Manon Aubry, je cite, considère que prétendre repartir sur les bases d'une social-démocratie éculée, même repeinte aux couleurs de l'écologie, c'est ignorer les appels à une transformation radicale que les élections de 2022 ont rendu évident. Et Manuel Bompard, je cite, « Comment M. Glucksmann peut-il prétendre être le candidat de l'écologie quand il a dans ses soutiens Carole Delga, qui défend l'autoroute A69 Toulouse-Castres ?» Voilà. Donc effectivement, ça donne déjà une petite idée. L'ambiance est chaude. Voilà, l'ambiance est chaude. Et les Hollandais, vous avez vu qu'il y a un retour des tenants de la ligne de François Hollande qui voit éventuellement dans la victoire toute relative de Glucksmann une éventualité pour remettre le Parti Socialiste au centre de l'échiquier à gauche et éventuellement prétendre avoir une victoire pour les prochaines élections présidentielles. Donc effectivement, on est à couteau tiré sur la gauche. Et puis les écolos, bon, je pense qu'ils sont un peu j'ai l'impression que voilà, leur campagne a du mal à démarrer. Donc on verra ce que ça donne. Mais on voit bien qu'effectivement, les élections européennes vont sans doute donner un peu le un peu de ce qui va se passer pour 2027. Et puis sinon, au niveau européen, je pense qu'effectivement, l'extrême droite va, parce qu'il n'y a pas qu'en France, l'extrême droite monte quasiment dans tous les pays, je pense qu'effectivement, on va sans doute avoir un score assez élevé, ce qui va évidemment, j'imagine, avoir des répercussions sur les politiques qui seront menées. D'accord. Sur l'irrésistible ascension de l'extrême droite, avec des sondages qui donnent... Jordan Bardella à quasiment 30%. Morgan, tu peux nous... Oui, on voit, comme on disait, une montée un peu de toutes parts des droites les plus dures en Europe. En fait, on peut dire oui, les sondages n'ont pas vu l'effondrement de Jospin en 2002. Ils sont perfectifs ou imparfaits. Bon, on s'attend quand même à ce que l'extrême droite casse des nouveaux records. Si on prend les sondages, donc... si on cumule RN, Reconquête et LR, qui sont crédités à facilement plus de 40 à 45% des intentions de vote en France. Donc, et on va faire un petit rappel de ce que ça veut dire l'extrême droite au pouvoir dans différentes parties de l'Europe. Donc, c'est encore plus inquiétant en Europe d'ailleurs. Oui, voilà, beaucoup plus inquiétant parce que ce soit en Pologne, même en Allemagne, où en plus c'est des... On va dire des avatars de l'extrême droite qui assument complètement d'être des héritiers du nazisme, en fait. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Donc, par exemple, on voit dans la Hongrie de Viktor Orban un recul des libertés civiles et des médias dominants complètement assujettis au pouvoir en place. Ça veut aussi dire des droits des LGBT en péril. Par exemple, en Italie, où l'État veut invalider le statut de parent des familles homoparentales, donc il y a un bras de fer entre l'État central et derrière les collectivités locales quand elles soutiennent les citoyens ou ce qui vient ajouter à une propagande d'État ou une communication très clairement homophobe, anti-inclusif en fait. Ça veut aussi dire des attaques envers les droits des femmes, donc envers les... en Italie, les associations anti-IVG qui essayent de dissuader les personnes de pratiquer un avortement dans les hôpitaux. En Hongrie et en Pologne, les droits à l'avortement ont été complètement verrouillés. En Hongrie, par exemple, les femmes doivent écouter les battements du cœur du fœtus avant d'avorter, ouais, en fait. On les oblige, oui. Voilà. Et on a aussi en arrêté du 22 octobre 2020 où le tribunal constitutionnel polonais interdit l'avortement en cas de malformation du fœtus. Donc la Pologne n'a plus à sa présidence le parti d'extrême droite, mais a du mal à remettre un petit peu ses droits civiques, à remettre ses libertés civiques en place, en fait. Et ça veut aussi dire des libertés syndicales en péril, un droit du travail complètement piétiné. Les syndicalistes italiens nous alertent, en fait, du traitement qu'ils reçoivent de la part du gouvernement. Et en Hongrie, très clairement, le gouvernement a mis en place des mesures très favorables au patronat, notamment imposer du travail supplémentaire aux salariés et permettre un délai de plus de 600 jours pour payer ces heures supplémentaires. Donc là, ce n'est pas des syndicalistes, mais les travailleurs qui disent que, mis bout à bout, toutes les réformes mises en place par Orban, ça revient sur du rétablissement de l'esclavage. Donc l'extrême droite au pouvoir sur les différents États... C'est une politique entre le très libéral, une politique économique entre le très libéral et le tout simplement lamentable, en fait. Enfin, en Italie, le gouvernement Meloni a voulu faire sauter des aides gouvernementales à la rénovation du bâtiment, ce qui s'est traduit par simplement les Italiens qui rénovent moins, qui font moins d'isolation, et ce qui, au bout du compte, impacte la croissance, en fait. Et en France, pour revenir en France, donc la coqueluche de l'extrême droite, là, Jordan Bardella, pour un des rares débats qu'il a fait, s'est fait laminer par Raphaël Glucksmann et dit clairement qu'en matière d'économie, il n'est pas bon, en fait. Quoi. Mmh. Oui. Sur Orban, il y a une actualité, je ne sais pas si vous avez vu ça, apparemment Orban a manifestement œuvré pour racheter la chaîne d'information européenne Euronews, mm-hmm. pour essayer de peser dans la bataille culturelle et notamment faire en sorte que les ce qu'il appelle les biais de gauche qui existeraient dans cette chaîne puissent ne plus exister. Voilà, donc, D'accord. Voilà. Bon. On n'aura peut-être pas le temps de beaucoup de parler des principaux dossiers européens comme l'agriculture ou l'énergie. Enfin, il faut rappeler quand même que l'énergie, c'est un dossier. C'est au nom de la concurrence libre et non faussée, c'est un marché complètement artificiel qui a surtout pour conséquence d'affaiblir les opérateurs publics et de permettre à des entrepreneurs de faire leur beurre avec des niches commerciales qui ne produisent pas d'électricité, ils produisent pas d'énergie. Mmh. Sur le retour à l'austérité, enfin après on va en passer à l'Europe que nous voulons. Sur le retour à l'austérité, tu peux peut-être nous dire un mot, Ludovic. Oui, alors effectivement, en décembre, on n'a pas beaucoup parlé, mais le Parlement européen a approuvé donc la réforme du pacte de stabilité. Donc la parenthèse ouverte au moment de la crise du Covid, prolongée avec la guerre en Ukraine et les chocs énergétiques et inflationnistes qui avaient conduit à mettre de côté toutes les règles fiscales et budgétaires, est refermée donc depuis début janvier. Donc le retour à la discipline financière pour les États membres qui sortent très endettés de cette période redevient la norme dans toute l'Union. Les nouvelles règles vont se traduire par des réductions budgétaires de plus de 100 milliards d'euros dès l'année prochaine. Et comble encore plus scandaleux, c'est qu'aucune distinction n'est opérée dans les dépenses, qu'elles servent à financer la transition écologique, la recherche ou à compenser les cadeaux fiscaux consentis à quelques-uns. La Commission européenne n'y voit aucune différence. Alors, il faut le signaler, le projet de ce pacte, donc ce nouveau pacte d'austérité, a globalement été... globalement défendu par le Parlement européen, puisqu'il y a eu 431 voix pour contre 172, avec, il faut le noter, des voix de la social-démocratie. Donc, on peut penser que Manon Aubry n'avait pas complètement tort de taper sur Glucksmann. Donc la droite, le centre et les sociaux-démocrates ont globalement voté pour ce texte. Et l'autre partie de la gauche, bien sûr, s'y est opposée. Donc des règles budgétaires qui vont remettre sur le devant la question du déficit budgétaire à 3%, des sanctions qui vont être renforcées pour les pays qui ne respectent pas leur objectif budgétaire et qui se vont imposer une réduction de leurs dépenses en cas de manquement à cette rigueur budgétaire. On va passer à la dernière partie qui est l'Europe que nous voulons. Donc, quelle Europe est souhaitable ? Bon, y a eu des débats à gauche entre les économistes atterrés, des gens comme Frédéric Lordon qui sont assez pertinents là-dessus. Morgane, tu peux nous en parler ? Sur l'Europe, c'est ouais. L'Europe qu'on souhaite. Oui, oui. C'est-à-dire que le débat porte sur, d'abord, est-ce qu'on a besoin de l'Europe rappelez après que derrière, au niveau des instances européennes, ça reste, ça reste le Parlement qui vote les lois et la Commission qui a un rôle de proposition des lois, un peu comme l'exécutif en France et la Commission qui derrière est de toute façon nommée par les différents conseils européens en fait, donc le Conseil des ministres et le Conseil européen. Donc en fait mécaniquement, si on se retrouve avec un Parlement européen très marqué à droite, ça va être derrière des lois au niveau de l'Union européenne qui vont être influencés dans ce sens-là et de la même manière les gouvernements si on a des gouvernements à droite, ils vont nommer derrière une commission à droite, que ce soit de l'identitaire, que ce soit de la vieille droite dure à l'ancienne, donc on va avoir les mêmes mécaniques en fait. Donc tout passe par les institutions et les élections, mais on a parlé aussi du rôle des lobbies dans l'Europe. Je ne sais pas si Ludovic, tu peux nous en parler. Oui, bah, je crois qu'il faut toujours le rappeler. Il me semble qu'à Bruxelles, c'est sans doute la ville au monde où il y a le plus de lobbies. Je crois que pour un député européen, il y a à peu près 80 lobbies, plus qu'à Washington. Donc bah, forcément, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Voilà. Donc du coup, il y a une forte présence et du coup, il y a des influences qui peuvent... Alors, il y a des députés qui s'y opposent. Hein. Il y a un documentaire qui vient de sortir, là, une fiction avec José Bové qui apparemment a bataillé contre les lobbies du tabac et qui laissait entendre, il était invité lundi à l'UGC, que lui n'avait jamais reçu les lobbies, mais apparemment, effectivement, les lobbies œuvrent par moult moyens, par des cocktails, etc., où les députés sont amenés, effectivement, à... Ouais. Plus quelques voyages qu'on vous propose et qui permettent évidemment d'acheter, enfin, entre guillemets. Et puis ça va au-delà de ça, en fait. C'est clairement, les lobbies rédigent certains amendements qui sont votés à l'Union européenne. Ouais. Hein, on parlait d'Europe de la Défense. C'est des lobbies de l'armement qui ont rédigé un certain nombre d'amendements concernant les... je n'ai plus le terme exact en tête, en fait, mais le budget de la défense européen, ça a été rédigé par des industriels de l'armement. Et il me semble aussi qu'au niveau écologique, les lobbies de l'agro-business rédigent également. Et on parle toujours d'une Europe de gauche. Enfin, il y a quand même, il y a les GIE, il y a un groupe parlementaire européen qui est composé de, enfin, qui représente quand même une union à gauche, mais est-ce qu'il n'y a pas justement moyen de renforcer cette gauche européenne? C'est une sacrée question que tu poses là. Hein, c'est une question, non, mais elle est quand même importante pour l'Europe que nous voulons. Quoi. Oui, bien sûr. Effectivement, tout ce qui vient d'être dit, que ce soit par Ludovic ou par Morgan, n'invite pas à l'optimisme, en effet. Il faut rappeler qu'apparemment, le CETA a été soutenu par une partie des sociodémocrates et des Verts. Oui, alors. J'ai pas vérifié, mais il me semble que j'avais vu cette information passer. Donc, encore une fois, de toute évidence, il y a quand même des choses qui sont quand même assez. Tu as bien raison de souligner les quelques victoires qu'on a eues. Enfin, le TAFTA, bon, là, par contre, merci Monsieur Trump, en l'occurrence, puisqu'il a abandonné immédiatement le TAFTA. Mais on est quand même en France, on est très attentif à tout ce qui se passe sur l'Europe, et on a quand même des analyses que Didier évoquait tout à l'heure, quoi. On a quand même des analyses assez précise sur ce qui peut arriver, quoi. Et puis, notamment, on avait dénoncé très fortement la façon dont les députés européens ont eu le droit de lire les traités en question, hein, je vous rappelle, hein, dans une salle fermée, sans stylo, sans portable, etc. Personne ne l'avait dit. Ce qui était surprenant, c'est que y a que les gens de gauche qui ont dit ça. Tous les autres s'écrasent. Ils n'ont même pas la dignité. Qu'on peut être de droite, on a le droit d'être digne. Hein, même pas la dignité de réagir là-dessus. Donc effectivement, la gauche que nous voulons, l'Europe que nous voulons, elle est peut-être un peu loin. Mais en même temps, je pense que il y a des possibilités. Alors, je reviens sur Pierre Kalfa. Sur Kalfa, oui. Ouais. Donc, Kalfa a écrit un papier qui commence à faire florès, d'ailleurs, très très court, sur le site d'Attaque. Pierre Kalfa fait partie des économistes d'Attaque, hein, et de Copernic, en l'occurrence. Et il disait qu'il constatait la chose suivante. Par sondage, on sait que les groupes de gauche européens auraient moins de voix s'ils étaient en un seul bloc, la NUPES par exemple, que s'ils étaient séparément. Il en conclut que, donc, et en plus, il ajoute que 80% des décisions prises par la gauche avec ses différentes composantes allait dans un sens favorable à la gauche. Donc, il pense qu'il y a quand même quelque chose d'unitaire possible sur cette question-là. Et donc, c'est son projet de dire, entendons-nous, il y a moyen, quoi. 80% des décisions sont prises collectivement, il y a moyen de faire quelque chose. Alors effectivement, il reste des trucs cons, quoi. Il reste l'Ukraine, qui n'est pas forcément facile. Il y a eu des victoires sur, les plateformes, vous savez, les travailleurs de plateformes, apparemment. Ouais, il y a eu des victoires sur Uber, oui. Entre autres, voilà, là, il y a Chabi de la France Insoumise, mais d'autres qui ont fait en sorte pour que... Effectivement, les jeunes poussent beaucoup à ça, effectivement. Voilà. Donc on va conclure là-dessus, sachant que l'Europe sociale, ce n'est pas gagné, et que, bon, on y travaille, mais bon, c'est une œuvre de longue haleine. Oui, et donc on va passer très normalement à la pause musicale. Garder le même avenir et ne plus se quitter, échanger chacun nos richesses et tout mettre en commun pour qu'alors nos guerres cessent, enfin n'être plus qu'un, enfin n'être plus qu'un. On la voyait plus romantique, la vie ensemble, entre nous pas d'histoire de fric, on se rassemble, on était jeunes, elle était belle. La citadelle de nos espoirs, de nos espoirs. C'est pas qu'on ait été naïfs, que trop voltrons, peut-être bien qu'en définitive on a tous été un peu cons. Oui mais voilà, pendant ce temps-là, nous l'ont fait l'Europe, l'Europe des masses tricheurs, ils nous l'ont fait l'Europe. Des disponibles menteurs, ils nous l'ont fait l'Europe. Ils nous l'ont fait. À la Bénale, on a dit non. On l'a hurlé dans les rues et les réunions. On l'a chanté, ils ont fait fi de nos chansons et de nos rêves. Qu'elle se gave de pognon et qu'elle en crève. Et qu'elle en crève. Peut-être bien qu'en définitive on a juste été un peu con. Oui mais voilà, pendant ce temps-là, ils nous l'ont fait l'Europe, l'Europe des masses tricheurs, ils nous l'ont fait l'Europe. Des disponibles menteurs, ils nous l'ont fait l'Europe. Ils nous l'ont fait. Ils nous l'ont fait l'Europe, l'Europe des masses tricheurs, ils nous l'ont fait l'Europe. Des disponibles menteurs, ils nous l'ont fait l'Europe. Ils nous l'ont fait. On rêvait juste de s'unir, nos langues mélangées, regarder le même avenir et ne plus se quitter, échanger chacun nos richesses et tout. C'était Yves Jamais avec un T au bout plutôt que le S, l'Europe. Il résume assez bien ce qu'on disait d'ailleurs, plein d'espoir, plein de déceptions, et puis voilà. Didier va commencer les actualités d'attaque. Les actualités d'attaque, donc on reste un peu dans le domaine européen. Donc Bruno Le Maire et le gouvernement l'ont annoncé, donc ils souhaitent durcir leur politique de rigueur pour le plus grand nombre, alors même qu'ils se refusent à taxer les ultra-riches et les super-profits. Pour prendre le contre-pied de cette politique injuste et injustifiée, donc il y a un nouveau petit guide qui s'appelle « Super-profits, ultra-riches, méga-injustice », publié par Attaque, donc à lire absolument. Oui, et puis il n'y a pas seulement qu'un petit guide, il y a aussi un bouquin. Pour se préparer aux élections du 9 juin, un livre donc, Leur Europe est la nôtre, par la Fondation Copernic et Attac. Le nouveau livre des deux assos sort le 2 mai 2024, donc c'est tout juste le temps de le lire pour se faire une idée et pour voter intelligemment. Montre l'impasse néolibérale ou l'impossibilité de la bifurcation démocratique, sociale et écologique que nous attendons. Voilà à peu près ce que dit ce livre. Il se donne aussi pour objectif d'éclairer les enjeux actuels autour de l'Union européenne et les défis majeurs à relever dans les années qui viennent. Alors, selon l'Agence écologique et sociale, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'Agence écologique et sociale. Ah, tu en dis un mot. C'était justement, ça s'appelait dans le temps Plus Jamais Ça. Bon, on a opté pour une appellation un peu plus conforme à ce qu'elle est, puisqu'elle vise à concilier justement l'écologie et le social à travers des ONG et des associations écologiques comme justement Greenpeace ou les Amis de la Terre, et aussi des syndicats de salariés comme Solidaires ou la FSU. Malheureusement, la CGT a cru bon de s'écarter de ce rassemblement à leur dernier congrès. Donc, Attac est membre de l'AES et propose donc l'instauration d'une taxe sur les super-profits d'entreprises qui pourrait rapporter jusqu'à 21,6 milliards d'euros. Cette mesure fait partie des 6 propositions avancées dans notre pétition « 60 milliards en taxant les plus riches, c'est possible ». Donc une pétition qui a signé et relayé largement. Et d'ailleurs, nos comités locaux respectifs vont s'y employer sur les marchés. Attendez-vous à nous voir. Absolument. Le rendez-vous européen à Marseille, c'est pas négligeable. C'est toujours l'Europe, donc il est encore temps de faire vos valises pour aller à Marseille. L'European Common Space for Alternative, laissons tomber l'anglais, c'est un truc où il s'agit de se réunir et de voir comment les mouvements sociaux européens, dont Attac évidemment, peuvent s'organiser pour trouver des solutions pour un monde de paix et de plénitude, d'émancipation et de solidarité. Voilà. Cette assemblée fait suite aux forums socio-européens mondiaux qui ont marqué l'histoire du mouvement socialiste. Pardon, du mouvement altermondialiste. À lapsus. Ouais. Alors, RCL, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Bon, ce n'est pas le Racing Club de Lens, c'est la rencontre des comités locaux d'attaque. Donc, ça s'appelait dans le temps la CNCL. La prochaine RCL donc, aura lieu les 15 et 16 juin avec au programme une réflexion collective sur la place des comités locaux. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, un atelier sur les transports gratuits. C'est en tout cas la demande faite par nos comités locaux de la métropole lilloise, ce qui nous amène, excellente transition, aux informations locales. Oui, oui, donc il ne l'a pas dit, mais c'est lui qui défendra l'atelier avec Monique, absolument. La gratuité des transports à Paris. D'ailleurs, le fait d'avoir annoncé ça sur le site d'Attac nous a valu des retours assez favorables, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, même enthousiaste. Donc je reviens au local, je ne vais pas niquer ta transition. Donc Neil Sanderlin, qui est un membre d'Attac, manifestement, vraisemblablement membre du conseil scientifique. Et le fils de Charles, on croit savoir. Et le fils de Charles, ah bah alors, bon, quelle belle filiation. Parfait. Quelle belle filiation. Animera un débat sur l'Europe le 25 mai à Arras. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose pour les copains arageois. Ce sera à la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand, et ce sera, s'il me semble, à 19h. Ouais. Par ailleurs, nos amis d'Attac Artois tiendront, comme d'hab, un stand au Salon du Livre de la Critique Sociale le 1er mai, bien entendu. Le 1er mai, justement, donc là aussi, une excellente transition. Donc, les Amis de la Terre et Greenpeace, entre autres, défileront donc, sous la bannière de l'Agence économique... L'Alliance économique et sociale, donc, excusez jamais ça, on l'a déjà dit. Même si la CGT a suspendu sa participation, il y aura d'autres syndicats, donc il y a notamment Solidaires et la FSU, qui sont toujours partie prenante de cette alliance qui vit difficilement, mais enfin, qui s'est quand même rendue... Qui a fait pas mal de choses au niveau de la chapelle d'Arblay, par exemple. Au niveau d'entreprises, il y avait aussi une raffinerie dans les Yvelines. Enfin, il y a eu aussi, évidemment, Triskalia dans les Côtes d'Armor. Enfin, il y a eu pas mal d'alliances qui ont permis, justement, de, de lutter contre des délocalisations ou des projets industriels qui étaient contestables. Et Alliance, ce n'était pas un vain mot. Hein. Il y avait des coordinations syndicats, bien sûr, avec les cadres de l'entreprise aussi, quelquefois. C'est ça, hein. Ouais. Alors, la suite. La suite. Les trois comités locaux donc, se lancent dans la campagne de diffusion de tracts Taxer les riches. Après, là aussi, un événement. Souvenez-vous, c'était récent à Paris, l'hôtel de Bernard Arnault qui a été décoré par Tax the Rich, par trois militants d'attaque qui sont passés la soirée, quand même, la nuit même, en garde à vue. Et un est accusé de vandalisme pour avoir coupé un truc en plastique, je crois. Avec voilà. des longues gardes à vue. Oui, c'est des longues gardes à vue. Bon. Attendez-vous donc, Benedilé, tu l'as déjà dit, attendez-nous de nous voir à Oisem le dimanche matin, à LM le samedi matin et au Nouveau-Roubaix le lundi matin. En attendant donc un tract sur l'extrême droite et les élections européennes qui sera fait en lien avec la LDH et la CGT. Et un autre tract sur la santé, les services publics. Donc là aussi, on a du boulot dans nos comités. Sur les rencontres militantes à Roubaix, donc c'est à la Falle de Roubaix, au 20 rue de Lille, hein, on aura le 6 mai un débat public sur la démocratie directe avec Marc Dubrulle, qui a été très en vue dans les mobilisations sur le logement, notamment à Roubaix. Et aussi, on aura un débat public sur les transports gratuits au mois de juin, dont la date reste à fixer. Et l'univers est à nous. Attaque Lille va entamer son partenariat avec le cinéma de l'univers dès juin avec le film Les Doléances, avec l'autrice qui sera présente, Hélène Desplanques. Ce sera le 25 juin. On n'a pas encore fixé l'heure, mais on vous le dira dans les prochaines émissions d'Angle d'Attaque. Toujours à l'univers, le film Par la porte ou par la fenêtre sur la crise de France Télécom, un film de 2023, pourra être projeté à la rentrée avec un débat sur la souffrance au travail. Et prochainement sur vos écrans, l'usine Le Bon, la Brute et le Truand au kinopanorama de Pont-de-Bois, Villeneuve-d'Ascq. Et enfin, les adhérents des trois comités se réuniront trois fois par an à l'initiative d'Attaque Villeneuve-d'Ascq, donc sur des thèmes précis, en lien avec nos mobilisations et nos combats. Il nous reste quelques minutes pour parler de la fameuse affaire Mélenchon-Hassan, Ludovic. Oui, effectivement, assez désolante. Donc cette affaire donc organisée, dont je rappelle les faits, organisée à l'initiative d'une association étudiante pro-palestinienne, une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de la candidate insoumise aux élections européennes, Rima Hassan, devait se tenir jeudi 18 avril à l'université de Lille, Pont-de-Bois, et elle a été finalement annulée donc, par l'établissement mercredi. Pour l'université, je cite, les conditions n'étaient pas réunies pour garantir la sérénité des débats, et elle a donc décidé de ne plus autoriser la tenue en ces murs de la conférence donc, de M. Mélenchon et de Mme Hassan. Par ailleurs, il y a eu des pressions, comme vous le savez, donc, notamment de la part de M. Xavier Bertrand et de Mme Violette Spielboot, président de l'université, laisse entendre, pardon, et de Sébastien Chenu, et d'autres qu'on ne citera pas, mais effectivement. Et le président laisse entendre qu'effectivement, il a sans doute subi des pressions et qu'apparemment, il a de toute évidence cédé. Donc je pense que ça s'inscrit effectivement dans un cadre de répression à l'endroit à la fois des insoumis, puisque c'était la cinquième annulation, ouais. Et par ailleurs, une répression qui s'abat sur les tenants de la cause palestinienne, puisque, comme vous le savez, toujours à Lille, a eu lieu cette semaine le jugement du syndicaliste de la CGT qui a pris un an avec sursis pour un tract. Jean-Paul Delescaut. Voilà. Et 5000 euros d'amende. Absolument vraisemblable. Et 5000 euros d'amende, j'avais oublié de le dire, ouais. Pour un tract qui, tout simplement, recontextualisé le 7 octobre. D'accord. Merci. Donc, prochaine émission, ça sera le 17 avril sur la démocratie directe. Le 17 mai, je veux dire. Avec probablement Jacques Testard, je ne sais pas. Sur la démocratie que nous voulons. Bon week-end. Il y a pas mal de choses au mois de mai. Et on vous l'a dit, on le répète. On sera donc sur les marchés avec nos tracts pour essayer de vous convaincre qu'il faut bien voter de toute façon pour le. Pour le 9 juin. Ouais, pour l'européenne. Bon week-end. Todos de pie cantar. que vamos a triunfar.